bitume au creux, le silence et le vent qui transbaillite l'amertume de l'ivresse d'un mot printemps. Le soleil, lui, sans doute ailleurs, mais ici, il est éclipsé par les étages supérieurs de la tour A et la tour C. Un homme est là, la bouche ouverte face à terre et souriant comme sourirait la justice inerte, tranquille, sans doute fait-il un somme. Tu n'étais rien parce que ton nom venait de trop loin. Mais qui t'a dit que tu valais moins car ton pigment n'était pas le sien? Mais qui t'a dit que tu n'étais rien? Qui t'a dit que tu valais moins? D'abord, on voudrait vous remercier vraiment beaucoup d'être venu ce soir pour ce dernier concert. Il fait chaud au cœur de vous voir. Merci ce soir à la batterie, Florent. À la basse, Greg. À la guitare, Evan. Au trombone, au chant, Anne. Au saxophone, à la clarinette, au cœur, François. Au saxo, soprano, ténor, au chant, Étienne. Il y avait Marine au son ce soir, merci beaucoup. Merci Marine. On remercie la péniche et la main de nous avoir accueillis ce soir, merci beaucoup. On remercie aussi quelqu'un qui n'est pas là, mais Nico qui nous a trouvé la date. On pense à lui. Les pieds dans les graviers, il dort. La poussière colle son épiderme. Et comme en haut d'un mirador, une fenêtre se referme. Tandis que baigne dans le béton et l'air glacé des éclairages attire à lui quelques piétons. Soudain on le berce de rage. Les gouttes de pluie ne font pas tressauter sa peau calme et noire. Il a de trop côté droit, il est pris en tour sa mémoire. T'as dit que tu n'étais rien parce que ton nom venait de trop loin. Qui t'a dit tu valais moins car ton pigment n'était pas le sien? Qui t'a dit que tu valais moins? Qui t'a dit que tu n'étais rien? Thank you.